je leur ai dit qu'il y aura un comité consultatif où tous les acteurs seront questionnés, pourront exprimer leur point de vue. Erran diet, hiru gidaritza batzorde bilduko direla, bat hautetxez osatua, bestea teknikariz, eta hirugarrena aktore ezberdinekin iritzi trukaketa bat egiteko. Donc ces trois comités qui fonctionneront, ça je m'en porte garant, qui fonctionneront convenablement, sont déjà mis en place, et ils le savent très bien. Hiru batzorde hauek funtzionatuko dutela engaiatzen naiz. Eta horiek martxan direla badakite. Ils auront l'occasion de s'exprimer. Donc voilà, j'espère que leur inquiétude va s'atténuer et qu'on retrouvera les chemins d'une construction commune. Horrekin espero dut haien kezkak ez dituko direla eta elkarrekin eraikuntzarako bidea hartuko dugula. On a choisi le cabinet qui sera chargé notamment kontsulta sarduratuko den kabinetea, handuza kabinetea izango da, uda utz dezagun pasatzen eta irailean hasiko da. Chaleur de l'été et ça va se passer maintenant. En septembre. Oui, bien sûr.